Quand je te demande, t'as comme un trou noir. Je parle sur moi. Moi, je suis sûr de moi. Parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe. Je te demande, t'as comme un trou noir. Je parle sur moi. Moi, je suis sûr de moi. Parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe. Freestyle de malade, je dégoupille la grenade en pleine tornade. Abruti, t'as pas compris mon rap, je l'adoucis. Pour pas que tu te suicides, on a la dalle d'un frigidaire vide. Au sommaire, je vais faire dans le morbide. Lyrical sordide, on aime lui chercher le liquide. La vie s'espite comme la balle d'un pompe. Encore une pompe et tu succombes. La vie un jour, tu peux perdre à chaque seconde. Nique le monde et les règlements de compte. C'est pas mon problème, je te dirais même d'aller niquer le système. J'ai pas ma place dans rap game. Ma groupie accroupie me trouve hardcore, c'est pour ça qu'elle m'aime. Mais où elle t'aime, c'est un mélange de tout et de rien. Besoin de rien, tends-moi la main et tu restes dans le vide. Ce que j'en pense, c'est deux fois rien, tu restes en chien. En chien, sale chienne. Moi je rappe pour les miens. Quand je te demande, t'as comme un trou noir. Joue pas le surnoi. Moi je suis sûr de moi, parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe. Je te demande, t'as comme un trou noir. Joue pas le surnoi. Moi je suis sûr de moi, parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe. Le temps passe et je ressasse les mêmes histoires que la veille. Manque d'oseille et de sommeil. Et j'abuse de la bouteille. Je prends mon courage à deux mains. Peu importe le chemin, je sais que la route est longue et parsemée d'embûches. Donc je laisse tomber les fils de pute. J'ai un pute dans ma life. Dans ma life. Yeah. Toujours ready to die, je vais pas dans le détail. Bienvenue dans le nord, la chaleur est dans le cœur. Je reste fort ou c'est la mort qui me guette au tournant. Trop souvent ça tourne mal et ça devient banal de passer par le milieu carcéral. Je veux m'écarter de la merde. J'ai tout à gagner et rien à perdre. Je vois le monde tel qu'il est, j'avais tant de beaux projets. Je vois l'avenir s'assombrir et l'état est mort de rire. Mais quand ça pète dans leur ville, ils sont tous morts de peur. Quand je te demande, t'as comme un trou noir. Joue pas le surnoi. Moi je suis sûr de moi, parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe. Quand je te demande, t'as comme un trou noir. Joue pas le surnoi. Moi je suis sûr de moi, parle pas sur moi. Ne sors pas le soir quand la nuit tombe. Ne demande pas un mort de sortir de sa tombe.